sépare comme les deux pieds d'un grand écart. On se sépare quand tu veux dièse, je veux bécard. Allez, viens, on se sépare. On se sépare. On se délivre, notre bateau n'était plus ivre. On se délivre, prends la télé, laisse-moi les livres. Allez, viens, on se délivre. On se délivre. On se quitte un peu, c'est pour toujours. On va compter sur la durée d'un amour. On va tourner en rond quand on a fait le tour. On se quitte, c'est sûr, c'est éternel. Elle volait bien trop à nos hirondelles. On aurait dû voir la couleur du ciel. On se sépare quand je suis plein, tu prends le quart. Allez, viens, on se sépare. On se sépare. On se délivre, on a construit en pierre, j'ai livre. On se délivre, si tout explose, au moindre givre. Allez, viens, on se délivre. On se délivre. On se quitte un peu, c'est pour toujours. On va compter sur la durée d'un amour. On va tourner en rond quand on a fait le tour. On se quitte, c'est sûr, c'est éternel. Elle volait bien trop à nos hirondelles. On aurait dû voir la couleur du ciel. On se quitte, c'est sûr, sort de ma cour. J'ai pas assez de place pour aussi peu d'amour. Pas crier si fort quand on a fait le sourd. On se quitte, c'est sûr, c'est éternel. On avait perdu le caillou de la marelle. On saute plus à cloche-pied jusqu'au ciel.